c'est comme trouver le trésor enfoui au pied de l'arc-en-ciel. Offrir à la face du monde sa huitième merveille. Ou tout simplement nous permettre de retrouver le soleil. Éteindre en nous la flamme de l'incendie qui sommeille. Parle-moi de toi, des petits soucis, des petits tracas, j'y connais tous. Moi je voudrais qu'on monte à la source, là où ça touche, qu'on fouille dans tes entrailles, là où ça fait mal. Tu voudrais bien me parler, mais j'entends pas. Je pourrais bien t'écouter, mais tu parles pas. Quand je parle de moi, c'est d'abord pour dire que des cons je suis le roi. Que ça sert à rien qu'on m'écoute, que j'ai raison, quoi qu'il en coûte, de toute façon. Et si je tire du fond de moi un peu de joie, j'arrive encore à sourire, même quand je vois pas. Ne t'étonne pas si t'as des primes d'éteint sur moi. C'est tout simplement que ce sont tes larmes que je bois. Je t'aime, mon amour. Si je te dis pas tous les jours, ça c'est sûr, tu es la femme de ma vie. Mais j'aimerais bien être l'homme de la tienne aussi. Quand tu parles de moi, c'est aussi pour dire que des cons je suis le roi. Que des gosses t'en as déjà trois, ceci, cela, etc. Et tout le tralala. Tu regrettes un peu déjà la vie normale. T'as épousé un poète à deux balles. Si je n'atteins jamais le sommet de la gloire, même si je te lis pas tous les jours, ça c'est sûr, tu es la femme de ma vie. Mais j'aimerais bien être l'homme de la tienne aussi. Thank you.